Sur ce, parlons à Raymond Poirier qui est avec nous ce matin. Bonjour Raymond. Bonjour. Un plaisir de se retrouver. Après quelques mardis où je me rends compte que j'étais en tournée les mardis, que veux-tu, le travail. On va revenir sur la justice et le numérique ce matin. Oui, mais enfin, on parle beaucoup du système de justice qui est engorgé. On parle ces défis, dans le fond, auxquels on est confronté pour la bonne marche des affaires légales. Évidemment, donc, c'est le cas ici au Québec. Je pense que c'est beaucoup ressorti dans l'actualité. C'est le cas ailleurs aussi. On n'est pas unique en ce sens. Et ce qui fait qu'avec la montée en force des options numériques qui semblent vouloir s'offrir, ben évidemment, il y en a pour dire que la justice pourrait profiter peut-être de ces nouvelles technologies-là et tranquillement en arriver à se numériser, à se technologiser, si on peut dire, plus avant. Donc, dans l'idée où les données massives, où l'intelligence artificielle pourrait venir à remplacer, entre guillemets, un avocat, à remplacer un juge ou à accompagner à l'intérieur de différentes causes. Évidemment, ça prend différentes géométries, tout ça. Le degré zéro, si on peut dire, c'est un peu dans la recherche, dans la préparation des causes, où on dit ben, qu'on pourrait accélérer le travail, faciliter le travail des avocats. On sait qu'il y a des jurisprudences qui sont quand même assez complexes. La loi elle-même est assez complexe. Évidemment, les gens sont formés là-dedans, mais reste qu'il y a déjà des outils de recherche qui existent, qui permettent de creuser peut-être un peu plus efficacement ces ouvrages-là. Alors là, l'idée, c'est d'ajouter des couches de sémantique, d'ajouter des couches entre guillemets d'intelligence artificielle légère pour pouvoir accompagner donc la recherche là-dedans, offrir un petit peu plus de pourcentage d'intérêt, de pourcentage de risque par exemple aussi qu'une jurisprudence ou autre s'applique, de pouvoir analyser plusieurs jurisprudences ou plusieurs éléments de loi en essayant de les mettre en contexte plutôt que de simplement répertorier ces choses-là. Donc des éléments qui sont plus d'accès, mais à ça il y en a qui disent ben on pourrait peut-être même rajouter tranquillement des couches et développer ce qu'on appelle la justice prédictive. Ouh. Alors ça, c'est l'idée de prévoir oui. à l'avance, ça le dit dans le terme. Alors dans le fond, on part avec l'idée qu'on connaît notre accusé, qu'on connaît les éléments du dossier, qu'on connaît la jurisprudence, que dans certains cas, on connaît aussi les antécédents du juge, qui a peut-être eu à statuer sur des décisions similaires. Alors l'idée, c'est de mettre des algorithmes à l'assaut de tout ça et de pouvoir essayer d'avoir un taux de succès, un pourcentage de succès relatif par rapport à la cause avant que celle-ci soit entendue et peut-être même pouvoir éventuellement développer un système de paiement forfaitaire. Donc de dire, ben regardez, vous avez 85% de chances d'être accusé avec une peine qui irait de temps à temps. Alors donc, on pourrait s'entendre pour une peine forfaitaire en lumière de ces informations-là de temps. Il y aurait plus de règlements hors cours aussi forcément avec des statistiques comme ça. Oui, ben c'est un peu l'idée en fait des systèmes automatisés, c'est de se dire, ben on va essayer de diminuer un peu le débat, de diminuer le temps en cours parce que, selon certains, c'est là que le blocage se fait. Alors, on dit, si on développe des propositions en amont de ça, ben nécessairement, ce qui va se rendre en cours sera un peu moindre. Évidemment, après ça, on peut toujours débattre de la véracité ou du risque réel d'un algorithme que celui-là ou de son potentiel. Ils ont fait des croisements avec certains résultats, certains cas. En fait, ils ont en amont de la cour, ils ont testé des pilotes. Ouais, c'est ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même, effectivement, une certaine correspondance entre le jugement et sa prédictabilité, si on peut dire. Donc, ça amène quand même des portes qui peuvent représenter un certain intérêt. Est-ce que ce serait pour les petites créances seulement? Ça pourrait être généralisé. Là. Et évidemment, c'est peut-être un peu le risque, Caroline, dans la mesure où, oui, ça peut être généralisé, mais d'un autre côté, il y a des causes pour lesquelles c'est peut-être plus facile d'analyser les papiers, les documents, la jurisprudence, sans nécessairement passer par les débats, passer plus par l'idée ou la prédictabilité des débats. Mais dans d'autres cas, quand des causes sont relativement plus complexes, ben là, évidemment, l'expertise humaine devient essentielle, parce qu'il y a des finesses que la machine n'arrivera jamais à comprendre. Alors, c'est certain que dans des grandes causes ou même dans des moyennes causes, ben nécessairement, l'humain devient important et on pourrait pas facilement le remplacer par des algorithmes. Ouais, dans ce cas-là en particulier, là, c'est assez étonnant. Bon, donc des limites assez flagrantes là. Flagrantes, puis même je pousse un peu plus loin parce que en fait, il y a souvent un argument fallacieux qui circule, c'est l'idée que l'algorithme est objectif. Et on le voit un peu partout en fait. Je pense que c'est tombé, on a parlé beaucoup de ces gens qui étaient sortis d'un avion à cause du surbooking dans des avions puis que finalement dans le fond, si on creuse un peu, ben il y avait un algorithme qui avait déterminé, qui avait dit ben c'est tel passager qui doivent quitter. Et là, on avait suivi l'algorithme qu'on avait appliqué, mais il y avait des finesses. Puis l'algorithme, en fait, lui-même est pas objectif dans la mesure où il y a un humain qui l'a écrit. Et l'humain, lui, qui a écrit cet algorithme-là, a des biais. Donc, on peut pas dire que la machine est objective parce que l'humain a programmé la machine. Oui, puis on le dit souvent, hein, la loi, la justice, c'est une interprétation de la loi. Puis qui dit interprétation dit différentes subtilités là, à analyser. Puis souvent, c'est de façon émotive, là. Et ça, la machine, ou en tout cas l'algorithme, est-ce que éventuellement un algorithme pourra prendre en compte des émotions, des subjectivités aussi fines que ça? Et même, en fait, au-delà de ça, il y a une autre préoccupation par les gens qui disent « oui, mais ». C'est une bonne idée, mais c'est aussi l'élément que le droit, si on le réfère exclusivement à la machine ou à l'algorithme, eh bien, le droit va cesser d'évoluer. En partie, à tout le moins, parce que on va évidemment se fier exclusivement à des jurisprudences passées. Donc, la machine n'est pas en mesure de prendre état de l'évolution sociale, de prendre état des tendances actuelles de réflexion, et donc ne peut pas faire progresser quelque chose. La machine va appliquer quelque chose de déjà existant, va rentrer les choses existantes dans des paramètres existants eux aussi, mais ne créera pas de nouveaux paramètres. Alors, ce qu'on dit, c'est que si on a un droit algorithmique qui en vient à s'installer, ben ça veut dire que c'est le jour aussi où notre système de justice va arrêter d'évoluer. Ben, c'est encourageant pour l'humain. Oui, mais en fait, pour ceux qui sont dans les métiers juridiques, je pense qu'on a encore notre place. Ils m'entendent ce matin, mais ils disent « Ah, j'ai peut-être une job pour encore quelques décennies. » Mais jusqu'à temps que la machine soit capable de penser à long terme puis de prévoir. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Ben, en fait, là, ça, on tomberait dans de la science-fiction un peu plus ardente, voire même du fantasme dans certains cas. Restons donc plutôt dans la science-fiction. Mais ce qui est intéressant quand même de voir là-dedans, c'est le potentiel donc de cette justice augmentée, si on peut dire, donc de pouvoir donner plus d'outils pour préparer la jurisprudence, pour analyser le dossier, donc pour même faire des formulaires aussi, dans la mesure où il faut quand même préparer des textes, préparer des documents, signer le reste. Donc ça, la machine, techniquement, il y a beaucoup de paperasse, oui, là, en justice. Peut prendre en charge la rédaction de ces éléments à partir de documents existants auxquels il faudra peut-être ajouter des finesses s'il y a lieu par après, mais j'imagine qu'il y a quand même un peu de copier-coller aussi là-dedans, on s'entend. Donc ça, c'est des parts que la machine peut facilement prendre en compte, facilement étant relatif, somme toute, mais tout de même. Donc, pour alléger un peu la charge des avocats, pour leur permettre de se concentrer sur l'analyse des causes, sur la préparation des débats et le reste, parallèlement, donc, l'idée de cette justice prédictive peut ouvrir quand même des portes, donc, pour quand même aussi orienter les discussions en amont du procès, pour peut-être augmenter, comme tu disais tantôt, les règlements hors cours, pour donner des paramètres. Si on sort avec des prédictions de 100%, et que le logiciel a quand même été avéré que, bon, quand il y a un 100%, on peut dire que c'est facilement un bon 90% de chances réelles que ça aille dans ce sens-là ou dans tel autre. Ça peut peut-être aussi faciliter le travail, éviter que certaines causes qui ne seraient pas nécessaires de rendre au débat se rendent justement à l'étape des débats, pouvoir donner plus d'outils en amont. Mais évidemment, dans le contexte de la Cour elle-même, ben c'est clair que là, la machine ne pourra pas remplacer ou ne pourrait pas remplacer là, facilement le... l'aspect juridique. Là, on en est où? Tu nous parles de ça. Est-ce que c'est déjà sur le terrain? Est-ce que ça s'en vient dans un an, dans un mois? Est-ce que c'est là? C'est déjà sur le terrain. C'est déjà en sur fait, le terrain. La justice prédictive, il y a des startups qui travaillent là-dessus. Il y a des tests qui ont été faits. Donc, comme je disais tantôt, si on parle de correspondance entre les résultats testés et les résultats avérés. Donc, il y a des gens qui les ont testés. C'est à petite échelle. Il y a des startups aussi qui s'intéressent à la préparation de documents, qui s'intéressent à développer des outils de recherche basés sur l'intelligence artificielle pour aller plus loin que les outils sémantiques. Outils sémantiques qui sont plus basés simplement sur répertorier les ressources en fonction des mots, en fonction du contexte des phrases. Dans ce cas-ci, c'est analyser le sens pour analyser aussi le résultat et pas simplement répertorier les choses. Donc ça existe déjà. Certains plus avancés, d'autres moins. Donc ça s'en vient. C'est quelque chose qui pourrait arriver dans un horizon quand même assez rapproché, là. Ouais, ben on va surveiller ça. Merci Raymond de nous avoir éclairé sur ça. Ça fait plaisir. Oh, voilà. Ben on en est là aujourd'hui, mais j'avais pas pensé que j'étais à milieu de me douter que même la justice pouvait être numérisée. Mais tout oui, peut être tout, numérisé. Tout peut être numérisé et tu en es la preuve vivante et tu nous en parles à chaque semaine. Merci beaucoup Raymond.